Quatre fragments sonores d'une cour d'immeuble ancien du quartier Saint-Laurent. Premier fragment, Saint-Lô 1, un montage résumant une après-midi de printemps où la vie urbaine environnante fait irruption dans l'intimité de la cour. Thank you.